إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc, on commence aujourd'hui le cours 24 dans l'explication de Al-Usul al-Salatha avec le sharh du Cheikh Zayd al-Madkhali, hafizahullah wa shafahu. Donc, on a terminé la dernière fois au point où le Cheikh avait expliqué yani, la religion, qu'est-ce que c'est de façon générale. Il a dit Mal usul, fa'idha qila laka mal usul al-Salatha. Hein? فقل أن الأصول الثلاثة هو معرفة الله ومعرفة دينه ومعرفة نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. Donc on a expliqué que les trois fondements, c'est de connaître Allah, de connaître ton Seigneur, أن تعرف ربك, et tu connais sa religion. On en a parlé de façon résumée. Et le cheikh, il n'est pas rentré dans les détails au sujet de la religion parce que on va en parler de façon beaucoup plus détaillée dans les cours qui vont suivre, inshallah. Et ensuite, la connaissance de ton prophète, de son prophète, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Encore là, il ne va pas détailler dans l'exemple de yani à propos du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, puisque c'est le sujet du troisième fondement, hein, donc il va en parler à la fin. La même chose pour Ma'rifatul Rab, il va en parler, et Ma'rifatul Ad-Din, il va en parler, et Ma'rifatul Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il va en parler aussi. Donc le Cheikh explique ici, il dit Amma Nabiyuhu, hein, il dit Wa Nabiyuhu Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam. وأما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فسأقرأ عليكم قطعة سبق لي أن كتبتها في التعريف بأولي العزم حتى وصلت إلى قولي وأما من ختمت به الرسالات أي محمدا صلى الله عليه وسلم وأكمل الله لنا به الدين وأتم علينا به النعمة وأرسل إلى الثقلين عامة ولم يسع أحدا الخروج على رسالته بعد بعثته يعني أشرف الخلق وإمام الدعاة الصالحين المصلحين رسول رب العالمين سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله الصادق الأمين فضاعص الترحال وتحدث عن شخصيته ودعوته إلى الله بما تشاء من صدق ونصح وإخلاص وحلم وصبر وحكمة وجد واجتهاد ورحمة. Donc le Cheikh, il commence en ce qui concerne l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de la foi en son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que yani, en ce qui concerne l'explication de ce qui a rapport avec notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je vais vous lire qu'est-ce que j'ai écrit dans un autre livre que j'avais écrit. C'est dans un autre livre qu'il a écrit qui s'appelait Al-Ajwibatu Sadida ala al-As'ilati al-Rashida. Donc qu'est-ce qu'il a fait le Cheikh? Il a pris la partie où il avait parlé de Ulil Azm dans ce livre-là et il l'a cité ici dans son livre. Donc, il dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui par lequel tous les messages ont été scellés. C'est-à-dire, c'est lui qui est venu compléter et terminer la prophétie. Et c'est par lui, c'est-à-dire par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que Allah subhanahu wa ta'ala a conclu et complété et parfait sa religion. Et par lui également qu'il a complété sa grâce. Et il l'a envoyé à, qu'est-ce qu'on appelle en arabe, al-thaqalayn. Al-thaqalayn, c'est-à-dire il l'a envoyé aux deux mondes. Le monde des hommes et le monde des djinns. Donc il n'est pas envoyé seulement aux hommes. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est envoyé aux hommes et aux djinns aussi. Et personne ne peut sortir de le message de sa prophétie après qu'il fut envoyé. C'est-à-dire qu'une fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, personne n'a le droit de sortir de son message ou de dire non, ce message-là, ça ne me concerne pas moi, ou ça ne concerne pas mon peuple, ou les gens de mon origine, ou les gens de mon pays. Ça concerne seulement tel peuple, ou les Arabes, comme certains le disent parfois. Hein, la religion de l'islam, c'est la religion des Arabes, donc ça ne me concerne pas. Non, ça, ce n'est pas vrai. Hein, l'islam, c'est la religion pour tous les peuples, et personne ne peut prétendre pouvoir en être exclu. Hein, ou justifié d'en être exclu. Tout le monde est ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala de le suivre, peu importe son origine. Après, Cheikh il dit donc, personne donc ne peut en être se justifier d'en sortir, c'est-à-dire la plus noble des créatures, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'imam, c'est-à-dire le chef ou celui qui est à la tête des du'ats, c'est lui le premier parmi ceux qui appellent à Allah subhanahu wa ta'ala et qui invitent à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi les pieux et parmi les réformateurs. C'est le messager du Seigneur des mondes, notre maître, notre prophète, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, as-sadiq al-amin, c'est-à-dire celui qui est véridique, qui est sincère et qui est fiable et honnête. Alors, tu peux dire par rapport à sa personnalité et par rapport à sa da'wa à Allah tout ce que tu veux par rapport aux exemples de sincérité, de véracité, hein, de bons conseils, hein, de pureté dans l'intention et dans l'adoration, de bonté et de douceur, de patience et d'endurance, de sagesse, hein, d'effort et de sérieux et de miséricorde. Tout ça, ça fait partie de ses caractéristiques, sallallahu alayhi wa sallam. لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم والدنيا كلها ظلام فطلع فجر نبوته وشع نور رسالته وأشرقت الأرض بنور ربها وتحولت ذلك الظلام إلى أنوار ساطعة تنير الطريق لمن أراد الطريق وتقيم الحجة على من تنكب الجادة. Donc le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé à une époque où la terre entière était dans les ténèbres, les gens étaient dans la noirceur, et l'aube de sa prophétie est venue ramener de la lumière et de l'éclat, hein, sur la terre, et elle a illuminé toute la terre entière avec la lumière de son Seigneur. Et les ténèbres sont devenues des lumières, hein, brillantes, qui éclairent le chemin pour celui qui veut prendre le droit chemin et qui établissent la preuve par rapport à celui qui s'est détourné de la voie droite et qui a dévié de la preuve. Ensuite, il dit « فَقَدْ بَدَأَ صلى الله عليه وسلم دعوته سرا حتى أنزل الله عليه فاصدع بما تؤمر فأعلن صريحة مدوية في بطحاء مكة قائلا لأولئك المشركين إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فردوا عليه أقبح رد وأنكروا عليه أيما إنكار وأخذوا يتربصون به ويترصدون له ويخططون ليل نهار للتخلص منه وإراحة الناس من دعوته كما زعموا وساء ما زعموا. Donc le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé sa da'wa au début en secret. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala lui a envoyé le verset qui dit Fasda' bima tu'mar, le verset 94 dans sourate Al-Hijr, qui dit yani appelle ouvertement à ce qu'on t'a ordonné ou à ce qu'on t'a commandé d'appeler et de suivre, c'est-à-dire au tawhid. Et à partir de ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à appeler les gens à l'islam de façon ouverte, hein. Il faisait plus de da'wa en secret. Et ça répond également à ceux parmi les gens à notre époque, parmi les individus qui sont dans les groupes, qui justifient la da'wa en secret. Et on leur dit qu'à partir du moment que Allah subhanahu wa ta'ala a dit fasda' bima tu'mar, qu'on n'a plus le droit maintenant de faire de da'wa en secret, en particulier dans les pays musulmans, comme c'est le cas de la part de certains groupes qui utilisent des da'wa en secret pour appeler à des choses qui sont mauvaises. Pardon? 94 sourate Al-Hijr. فأعلنها صريحة. Donc il l'a divulgué ouvertement et clairement et explicitement dans le centre de Mecca, et il a dit à ses mouchriquins: je suis un avertisseur pour vous, et devant vous il y a un châtiment sévère, un dur châtiment. Et ils ont répondu au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de la plus laide des manières, et ils ont refusé et rejeté son appel. Et ils ont même essayé de commencer à le surveiller, être à ses aguets pour essayer de planifier contre lui et comploter contre lui pour se débarrasser de lui. Hein. Jour et nuit, ils faisaient des complots et des plans pour essayer de l'éliminer et de s'en débarrasser et de, soi-disant, reposer les gens de son appel et de sa da'wah. Et comme ils ont mal pensé à ce sujet-là, puisque on sait que les gens avaient besoin de cette da'wa. Le cheikh il dit ensuite: wa fi hadha yaqul al mawla al karim wa idh yamkuru bika alladhina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le Coran à ce sujet-là le verset qui est le verset 30 dans sourate Al-Anfal, hein, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: et lorsque les gens qui ont mécru, ceux qui ont mécru complotaient contre toi pour t'emprisonner ou pour t'assassiner ou pour t'expulser, et ils complotent, hein, et Allah subhanahu wa ta'ala complote. Et Allah est le meilleur des comploteurs. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a affaire à des koufars qui font des complots et qui rusent contre les croyants, contre les messagers d'Allah, et bien Allah subhanahu wa ta'ala les punit, hein? Et il les rétribue de la manière qu'ils méritent, et il ruse contre eux de la même manière que eux rusent contre les croyants. Wa rahma dhalika al-kayd, وتلك التجمعات والتهديد والوعيد فقد ظل صلى الله عليه وسلم ثابتا كالجبل الأشم بل أشد رسوخا وثباتا وليس أدل على ذلك من قولته التي حفظها لنا التاريخ: والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. Donc le cheikh il explique que malgré tous les ruses, toutes les rassemblements, les menaces qu'ils ont fait et les choses qu'ils ont fait pour essayer de le faire arrêter de faire sa da'wah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté ferme comme une montagne, Hein? Et même il est resté encore plus solide que ça, encore plus fermement enraciné que ça dans sa da'wah. Et il n'y a rien de plus clair comme preuve à ce sujet-là que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été préservée pour nous dans l'histoire lorsqu'il a dit à son oncle, par Allah, ô mon oncle, parce que son oncle est venu le voir de la part de Quraysh, et ils lui ont dit, on est prêt à t'offrir tout ce que tu veux pour que tu cesses cette da'wah. Si tu veux des femmes, on va te donner nos plus belles femmes. Si tu veux de l'argent, on va te faire le plus riche d'entre nous. Si tu veux être le roi, eh bien on va te mettre roi des Arabes. Hein? Si tu, hein, tout ce que tu veux, on te le donne. Mais arrête ta da'wah. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Qu'est-ce qu'il a dit? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à son oncle, oh, il dit, je jure par Allah mon oncle, que même s'il mettait le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main gauche, pour que je cesse cette chose que je suis en train de faire, eh bien, je ne l'arrêterai jamais. Juste excepté jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala me donne la victoire, ou bien que je périsse, hein, dans cette mission. Donc, c'est pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était déterminé, hein, était déterminé à défendre cette voie et à défendre le tawhid et à appeler les gens au tawhid. Donc malgré que bon, c'est une parole qui est rapportée dans les livres d'histoire, hein, de Sira, hein. Donc c'est pas rapporté dans les livres de hadith, c'est rapporté dans les livres d'histoire. Et Cheikh Al-Albani, il a mentionné cette narration là comme étant pas authentique, mais yani, il y a d'autres narrations qui la supportent, qui est mentionnée par une chaîne de transmission authentique aussi. Et donc ça, c'est qu'est-ce qui est mentionné dans la note de bas de page ici. Cheikh, il mentionne que la narration en question est faible, mais il y en a d'autres qui sont authentiques, qui la supportent. Naam. Donc le cheikh, il dit, ya Allah, ma arwa'a hadha al-mawqif wa ma arfa'uhu qadran wa a'zamuhu manhajan liman arada an yakuna min a'immati ad-da'wati ila Allah ta'atan lillahi 'azza sha'nuhu wa mutaba'atan li rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa la gharaba أن يكون موقف النبي صلى الله عليه وسلم النبي الكريم كذلك أعظم من ذلك فهو بحق أشجع خلق الله وأتقاهم لله وأغيرهم على محارم الله فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته وعادلا في رعيته. Donc le cheikh, il dit que, oh Allah, comme cette attitude et cette position de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle était forte, elle était remplie de piété et de force, et comme elle était élevée, hein, dans son degré, dans son niveau, et comme elle était grande, cette méthodologie qu'il a empruntée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est un exemple pour toute personne qui vient après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui veut appeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala et obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et suivre l'exemple du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y a pas, c'est pas étonnant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam réagisse de cette façon-là, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a beaucoup d'autres occasions, il a réagi dans des situations de façon plus grande que ça encore. Et il était certes, et en vérité, la plus courageuse des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la plus pieuse des créatures d'Allah envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et la plus jalouse des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à qu'est-ce qui a rapport avec le fait de rentrer dans ce que Allah a interdit. Dans le sens que si quelqu'un commet ce qui est interdit, eh bien, il ressent par rapport à ça, un sentiment de jalousie et d'honneur de défendre يعني le respect qui est dû à Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à ce qu'il nous a interdit. Hein? Donc al-ghayra en arabe, al-ghayra c'est le fait d'avoir un sens de jalousie pour l'honneur de quelque chose, hein? Un sens de jalousie pour l'honneur de quelque chose. Et quand quelque chose est transgressé par rapport aux interdictions que Allah a établies, eh bien tu ressens cette ghayra, hein? Cette jalousie pour l'honneur de qu'est-ce qui a été interdit par Allah, dans le sens que tu ne veux pas que quelqu'un transgresse cette limite que Allah a établie, hein? Et tu te fâches pour ça. Donc c'est ça ce qu'on appelle al-ghayra, hein? Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qui en avait le plus de ghayra, hein? Et que Allah le récompense par la meilleure récompense qui a été donnée à un prophète pour sa umma ou à un dirigeant honnête pour ses sujets. Et il dit ensuite: وَلَقَدْ مَكَثَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَكَّةَ بَعْدَ الْبِعْثَةِ 13 سَنَةً وَالْقُرْآنُ الْكَرِيمُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ وَهُوَ يُبَلِّغُ مَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ صَابِرًا عَلَى مَا يَنَالُهُ مِنْ أَذَى مِنْ هُنَا وَهُنَاكَ وَلَقَدْ كَانَ يَعْرِضُ نَفْسَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى الْوُفُودِ فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ وَيُعْرِضُونَ عَنْ دَعْوَتِهِ الْخَيْرَ نعم ويلحقون به صنوفا من الأذى. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم est resté à Mecca pendant 13 ans. Pendant 13 ans il est resté à Mecca et le Coran continuait à être révélé sur lui et à être descendu sur lui. Et yani tout ce qui était transmis ou tout ce qui était révélé au prophète صلى الله عليه وسلم de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam le transmettait, hein, le transmettait aux gens de la part de son Seigneur avec patience et avec endurance. Et il endurait tout ce qui lui arrivait, il l'endurait pour Allah subhanahu wa ta'ala, hein, dans sa da'wah. Et tout ce qu'il subissait comme offense, comme difficulté de peu importe où est-ce que ça venait, il faisait preuve de patience et d'endurance vis-à-vis de ça. Et parfois il allait lorsqu'il y avait les saisons du Hajj, hein, parce que même à l'époque les mushrikoun faisaient le Hajj. Pourquoi? Parce que c'était un des restants de la religion d'Abraham que les gens avaient gardé, mais par contre ils avaient ajouté au Hajj d'Ibrahim alayhi salam toutes sortes de formes de shirk et d'adoration d'idoles. Donc ils n'avaient pas gardé le Hajj dans sa pureté. Mais malgré tout, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque fois qu'il y avait le Hajj, hein, dans le Hajj, toutes les tribus arabes de la région descendaient vers la Mecque. Et ils venaient tous pour faire le Hajj, hein. Donc toutes les tribus arabes dans la péninsule arabe, ils venaient se réunir tous à la Mecque pour faire le Hajj. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il en profitait pendant cette période-là pour rencontrer les différentes tribus et les différents chefs des différentes tribus et pour leur présenter l'islam et pour leur expliquer l'islam et pour leur dire: laquelle d'entre vous va me défendre dans la propagation du message d'Allah, hein? Laquelle d'entre vous va me donner son support et va me protéger dans la défense de la religion d'Allah et dans la propagation de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et donc il présentait sa da'wah de cette façon là mais il était rejeté par les différentes tribus et il subissait toutes sortes de difficultés et toutes sortes de yani d'offenses. Le cheikh dit: wa marratan dhahaba ila al-ta'if yad'uhum ila nusratihi hatta balagha risalata rabbih hatta yablugh أو يبلغ رسالة ربه فأوزعوا إلى صبيانهم وسفهائهم فوقفوا له على جنبتي الطريق يرمونه بالحجارة حتى أدموا عقبيه أعجزوه عن السير أعجزوه عن السير فلم يقل إلا خيرا فلم يقل إلا خيرا وإذا أراد الله أمرا هيأ أسبابه وفتح أبوابه فجاء بعد ذلك وفد المدينة وكانوا 70 رجلا يعني قدموا عليه في الموسم فواعدوه عند العقبة وبيعوه على السمع والطاعة في النشاط والكسل والنفقة في العسر واليسر وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى أن لا يخافوا في الله لومة لائم وعلى النصرة الحقة لهم ولهم الجنة فقبلوا ذلك مغتبطين. Donc le cheikh il dit qu'une fois le prophète صلى الله عليه وسلم est parti à Taif, la ville de Taif, et il est allé appeler les gens de la ville de Taif à le défendre et à le supporter pour qu'il puisse propager et diffuser et transmettre le message de son Seigneur. Et yani, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé leurs enfants et leurs faibles d'esprit contre lui pour aller lui lancer des pierres et des roches. Et ils se sont tous placés de chaque côté du chemin. Hein, et lui, il partait et il lui lançait des pierres et des roches jusqu'à ce qu'il fasse même saigner ses pieds hein, et ses talons. Et yani, ils l'ont blessé, yani, hein, jusqu'à ce qu'il ait de la difficulté à marcher. Et il n'a rien dit de mal. Il a dit que du bien, malgré tout ça. Et pourquoi? Parce qu'il voulait quelque chose. Il voulait que Allah subhanahu wa ta'ala prépare pour lui les causes hein, de cette victoire-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a ouvert ses portes par la suite. Et c'était lorsque une délégation de Médine est venue à la Mecque. Et cette délégation de Médine était composée de 70 hommes. Et ces 70 hommes sont venus pendant le Hajj, justement, pour prendre l'islam et accepter l'islam du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ils lui ont donné un rendez-vous à un endroit qu'on appelle Al-Aqaba. Et c'est à cet endroit-là qu'ils lui ont donné l'allégeance, Al-Bay'a. Et ils lui ont donné l'allégeance, et parmi les clauses de cette allégeance qu'ils lui ont donné, c'était qu'il devait écouter et obéir dans les moments d'entrainte et les moments de paresse. Ils devaient donner de leur bien et dépenser de leur bien dans la difficulté comme dans la facilité et ils devaient également ordonner le bien et interdire le mal et ils ne devaient pas craindre le mal de quiconque à Allah subhanahu wa ta'ala donc ils ne devaient pas craindre le blâme d'aucun blâmeur hein? Et ils devaient défendre la vérité. Et en récompense de tout ça, ils auraient le paradis. Et ils ont accepté ces conditions. Et ils ont donné l'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont accepté l'islam. Hein? Et donc, ils ont accepté ça. Et ils ont été gagnants, certes. Le cheikh, il dit... وأذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى طيبة الطيبة فخرج مهاجرا إلى الله فلما وصل المدينة النبوية بنى مسجده وأسس مدرسته التي تخرج فيها المهاجرون والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة والذين جاهدوا في سبيل إعلاء كلمة الله فما ضعفوا وما استكانوا كانت المعارك متوالية والحرب سجالا بين حزب الرحمن الذي يمثله محمد صلى الله عليه وسلم والذين معه وبين حزب الشيطان الذي يمثله صناديد الكفر وجحافل الشر والفساد والطغيان فيعني وسنة الله الجارية أن الباطل صولة وثم يقمع ويضمحل حيث يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. Le cheikh explique que ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la permission de faire la hijra vers la ville de Al-Madina. La ville de Médine, on l'appelle aussi Tiba. Tiba, ok, un des noms de Médine, Al-Madina, un des noms de Al-Madina, c'est Tiba. Donc il est sorti en faisant la hijra vers Allah subhanahu wa ta'ala, hein, pour arriver là-bas. Donc il a fait la hijra, et une fois qu'il est arrivé à Al-Madina, Al-Nabawiya, eh bien il a construit sa mosquée. Première chose qu'il a fait faire, c'est qu'il a fait construire sa mosquée, et il a établi les fondements de cette école de laquelle ont gradué ces plus grands sahaba parmi les muhajirines et les ansar, et ceux qui les ont suivis dans les moments les plus difficiles de sa mission, hein, et qui ont lutté dans le chemin d'Allah pour élever la parole d'Allah, et ils n'ont pas fait preuve de faiblesse, hein, et ils n'ont pas non plus arrêté, ni pris de pause ou rien, ils ont continué dans les différentes batailles qui se présentaient les unes après les autres entre le parti d'Allah, le tout miséricordieux, qui est représenté par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ceux qui sont avec lui, et entre le parti du shaitan, qui est représenté par les têtes de la mécréance et les gens du mal, de la corruption et de la transgression. Et ça, c'est une règle d'Allah qui est établie dans sa création, c'est que la fausseté, elle se propage et elle avance, mais elle est rapidement écrasée et détruite, hein, du fait que Allah subhanahu wa ta'ala refuse autre chose que de faire continuer sa lumière et de la parfaire et de la compléter, sa lumière, et même si cela déplaît aux mécréants. ثم في السنة الثامنة من الهجرة جاء الفتح العظم والنصر المبين ودخل الناس في دين الله أفواجا وانتشرت دعوة الإسلام إلى الآفاق البعيدة فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء انتهى كلامه. Donc le cheikh il explique ici que dans la huitième année après la hijra, après la huitième année qu'il a fait la hijra, qu'est-ce qui est arrivé? C'est la grande victoire, dans le sens que il a conquis la Mecque, hein, il a repris la Mecque, et c'était une victoire éclatante et claire et belle, hein. Les gens sont entrés dans l'islam par troupes, par groupes, et l'islam s'est propagé dans toutes les contrées éloignées et dans tous les horizons. Et il mentionne le verset qu'on a lu hier dans le cours d'hier à propos du fait que Allah subhanahu wa ta'ala, celui pour qui il veut la guidance, eh bien il ouvre sa poitrine à l'islam, tandis que celui pour qui il veut l'égarement, eh bien il la rend étroite, hein, et serrée, comme s'il était en train de s'élever dans les cieux. Le verset 125 dans Sourate Al-An'am. Le cheikh il explique pour résumer ça, wa khulasatu al-amr anna usul ad-din kama dhakara al-mu'allif wa ghayruhu min al-ulama al-ajilla thalatha: ma'rifatu ar-rabb wal-iman bihi, ma'rifatu din al-islam bi-adillatihi, wa ma'rifatu an-nabi al-karim sallallahu alayhi wa sallam wa bima ja'a bihi. Donc les fondements de la religion, comme l'auteur du livre, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, ainsi que les autres ulama de l'islam, hein, parmi les grands ulama, ont mentionné que sont de trois fondements. Premièrement, de connaître Ar-Rabb, Allah subhanahu wa ta'ala, et de croire en lui. Deuxièmement, de connaître la religion de l'islam avec ses preuves. Et troisièmement, de connaître le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ce avec quoi il est venu. Hein? وقال النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا أمته: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا wajabat lahu al-jannah. Donc le cheikh il explique que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mentionné comme une bonne annonce pour sa umma que celui qui est satisfait d'Allah comme son Seigneur et de l'islam comme sa religion et de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme prophète et messager, eh bien celui-là, le paradis lui sera donné, c'est-à-dire ce sera obligatoire qu'il rentre au paradis. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça c'est rapporté par l'imam Muslim dans son sahih. Et on sait également que ces trois principes-là, ces trois fondements-là, c'est les trois questions qui nous seront posées dans la tombe. Man rabbuk, ma dinuk, man nabiyuk. Hein? C'est qui ton Seigneur? C'est quoi ta religion? Et c'est qui ton prophète? Le croyant, il va répondre, mon Seigneur, c'est Allah. Et il va dire, ma religion, c'est l'islam. Et il va dire, mon prophète, c'est Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala va raffermir les croyants pour être capable de répondre à ces questions, à ces questions-là. Tandis que les munafiqines et les gens qui avaient des doutes, ils ne seront pas capables de répondre à cette question-là. Et ils vont dire, je ne sais pas. La adri. Et il va dire, Sami'atu an-nas yaquluna shay'an faqultu. J'ai entendu les gens dire quelque chose, alors je l'ai dit. Ça, c'est les gens qui suivaient pas l'islam par conviction personnelle, parce qu'ils croyaient en l'islam eux-mêmes, mais qui suivaient l'islam par rapport à d'autres personnes. C'est-à-dire, les autres sont devenus musulmans, donc moi aussi je vais devenir musulman. Hein? Il y en a beaucoup comme ça, malheureusement, des frères, ou même des femmes ou des hommes, qui voient que leurs amis deviennent musulmans, puis ils veulent eux aussi rentrer dans l'islam. Pas nécessairement parce que eux ils ont cru en l'islam avec certitude et conviction, ou bien parce qu'ils l'ont compris comme il faut, mais juste parce qu'ils ne veulent pas être exclus, ou bien parce qu'ils veulent suivre l'exemple de leurs amis sans avoir nécessairement la conviction. Donc ça c'est un exemple de certains cas comme ça. Et Cheikh Al-Fawzan il expliquait par rapport à cet exemple-là, par rapport à la tombe et les questions de la tombe et les anges qui viennent poser ces questions, il expliquait que même si quelqu'un dans la dunya il était un grand savant et qu'il connaissait l'islam, que lorsqu'il sera dans la tombe, ça ne veut pas dire qu'il va pouvoir répondre nécessairement. Hein? Parce que ce n'est pas seulement la connaissance qui va faire la différence, mais c'est la sincérité de la personne. Hein? Donc c'est important. Et la connaissance, c'est très important. Et ça, je le répète tout le temps, parce que des fois, il y en a qui vont toujours d'un extrême ou dans l'autre. Il y en a qui donnent plus d'importance à la pratique et qui délaisse ou qui dénigre la science et l'importance du savoir. Et il y en a d'autres, c'est le contraire. Ils donnent beaucoup d'importance à la science et ils dénigrent les actions. Il y a un principe qui est clair dans l'islam, c'est que la science passe avant l'action, dans le sens que tu ne peux pas faire quelque chose dans l'islam sans que tu le fasses avec science, sinon tu risques de faire n'importe quoi. Donc tu dois baser ton action sur de la science, mais tu ne vas pas dénigrer les actions. Tu donnes de l'importance aussi à l'action. Parce que l'autre jour, j'étais avec, j'ai rencontré un monsieur que je connaissais depuis très longtemps. Hein, et à l'époque, il n'était pas avec Jamaat Tabligh. Mais à un moment donné, il a décidé de rentrer dans le groupe de Jamaat Tabligh. Et maintenant, il est une des têtes de Jamaat Tabligh à Montréal. Hein, et il m'a vu l'autre jour. Il m'a dit, wa alaykoum salam, il m'a dit, oui, je sais que tu es allé étudier à Médine, mais tu sais, la science, c'est pas ça qui est le plus important. Beaucoup de gens, ils ont la science, mais ils ne pratiquent pas. J'ai dit, en réalité, il y a beaucoup plus de gens qui n'ont pas de science et qui pratiquent des choses fausses que des gens qui ont beaucoup de science et qui ne pratiquent pas. Et c'est ça le malheur. J'ai dit, regarde au Bangladesh. Justement, le frère, il venait du Bangladesh. J'ai dit, regarde au Bangladesh, en Inde, au Pakistan, les gens qui adorent les tombes, qui prient les morts. Hein? Il a dit, non, ça, il n'y en a pas beaucoup. J'ai dit, non, il y en a beaucoup. Hein? Et tu ne peux pas prétendre qu'il n'y en a pas beaucoup. Et même à Montréal, il y a une mosquée que des frères, des musulmans du Bangladesh ont ouvert. Et ils ont appelé cette mosquée la mosquée Shah Jalal. Eh bien, quand tu fais une recherche sur Internet, tu écris Shah Jalal et tu découvres qu'en Bangladesh, il y a une mosquée où un saint est enterré et il s'appelle Shah Jalal. C'était soi-disant un soufi qui venait du Yémen, qui est venu jusqu'au Bangladesh pour parler aux gens, puis les appeler à l'islam, mais probablement les appeler au soufisme. Et quand il est mort, les gens ont construit sur sa tombe une mosquée. Et maintenant, les gens vont là-bas pour prier ce saint-là. Hein? Et ils sont maintenant venus à Montréal, ils ont ouvert une mosquée qui porte le même nom que cette mosquée-là. Donc, est-ce qu'ils ont la même croyance que ceux-là qui sont là-bas en train de prier ce soi-disant saint? Allahu a'lam. Mais c'est juste pour dire que ça montre le manque de connaissance des fondements de l'islam et du tawhid. Hein? Donc, c'est ça qui est malheureux avec Jamaat Tablir, c'est qu'ils concentrent leur darwa sur la pratique de certaines choses de la religion, mais ils négligent la connaissance et la compréhension de la base de l'islam et du fondement de l'islam qui est le tawhid. Donc, c'est bien d'apprendre, hein, d'apprendre à pratiquer certains aspects de la sunna et des choses de ce genre, ça c'est important, mais c'est pas plus important que d'apprendre la base de l'islam, d'accord? Donc, ça c'est juste un exemple. Mais de toute façon, on sait que Jamaat Tablir, à la base, c'est un groupe qui était fondé par un soufi qui s'appelle Mohamed Elias Al-Kandahlawi. Et il a fondé ce groupe-là en 1927, presque à la même époque que Hassan al-Banna, en Égypte, a fondé le groupe des frères musulmans. Hassan al-Banna a fondé son groupe en 1928. Et les deux, comme par hasard, étaient des soufis. Sauf qu'ils n'étaient pas les deux de la même tariqa. Hassan al-Banna est de la tariqa al-Hisafiyya, al-Shaziliyya. Donc c'est un soufi de la tariqa al-Hisafiyya. Et Mohamed Elias al-Kandahlawi est un soufi de la tariqa al-Jistiyya. Hein? Al-Jistiyya. Donc qu'est-ce qui arrive? Dans cette tariqa, il y a toutes sortes de bid'a, même des formes de shirk et des croyances de bid'a, de shirk. Donc, ça s'est rentré dans le mouvement d'établir. Et tu trouves que, également, ils ont établi leur tariqa, leur groupe, Jamaat Tablir ont établi leur groupe sur une bay'a, une allégeance, à quatre turq soufiyya. Il y a quatre turq soufiyya avec lesquels ils ont un serment d'allégeance. Et ces quatre turq soufiyya sont Al-Saharwardiya, Al-Naqshbandiya, Al-Shaziliya, Al-Saharwardiya, Al-Naqshbandiya, Al-Jistiya et Al-Qadiriya. C'est ça les quatre turuq soufiya que Jamaat Tablir ont donné allégeance. Qadiriya, ouais. J'avais mélangé, mais c'est Al-Qadiriya. Non. Et il y a des Qadiriyya en Inde et au Pakistan. Et là. Pardon? Non, non. En fait, eux, ils se réfèrent, ils prétendent suivre Abdul Qadir al-Jilani, un des grands savants, hein, un des grands savants d'islam et des pieux, parmi les savants des Hanabila. Mais ils ont exagéré à son sujet par la suite. Ils l'ont élevé à un point qu'ils ont commencé même à l'adorer en dehors d'Allah. Et même que tu vas trouver dans différents pays musulmans une tombe de Abdul Qadir al-Jilani. Et allez, tu vas trouver une de ces tombes dans un pays, puis dans un autre aussi. Comme s'il pouvait être enterré dans plusieurs pays en même temps. Et allez, c'est pas possible. Mais c'est pour dire, peut-être qu'ils se disent, chacun il veut avoir une tombe près d'eux pour pouvoir aller faire des pèlerinages là-bas pour aller chercher la baraka ou je sais pas quoi. Hein? Et ça, tout ça, c'est des bid'ah, des formes de shirk. Allah al-musta'an. Donc, il y a dans beaucoup d'exemples comme ça. Donc, yani, ça c'est très important, la science et la pratique. Donc, ça c'est qu'est-ce qui. C'est qu'est-ce qui conclut maintenant ce point-là. Et il dit donc, il termine ce point. Ensuite, il commence la suite. فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَنْ رَبُّكَ فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَنْ رَبُّكَ فَقُلْ رَبِّيَ اللَّهُ الَّذِي رَبَّانِي وَرَبَّ جَمِيعَ الْعَالَمِينَ بِنِعَمِهِ. C'est-à-dire, et si on te demande qui est ton Seigneur, c'est qui ton Dieu, c'est qui ton Seigneur? Alors réponds que mon Seigneur, c'est Allah, celui qui m'a créé et qui m'a fait me développer et qui m'a donné toute ma subsistance et qui a créé et qui gère toute la création, tous les mondes de ses grâces et qu'il donne à tous les mondes ses grâces. Donc le cheikh Zayd, il explique ce passage-là maintenant. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبق معنا في الدرس الماضي الحديث على الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها على سبيل الإجمال بل وبشيء من التفصيل المختصر. وهذا السؤال وجهه المؤلف رحمه الله وأجاب عليه، وهذه طريقة يسلكها بعض المؤلفين رحمهم الله، أعني طريقة التأليف على طريقة السؤال والجواب من أجل الحفظ ومن أجل البيان والإيضاح، ولا سيما في مسائل العقيدة. فوجه السؤال التالي فوجه السؤال التالي وأجاب عليه فقال. Donc, le cheikh, il commence donc l'introduction, parce que, en fait, ce livre était basé sur des cours que le cheikh a donné. Et donc, chaque cours, il commençait une partie à expliquer une partie du livre. Donc là, il commence à expliquer cette partie-là maintenant. Donc, il mentionne la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala, il appelle le salut sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et sur sa famille, sur ses compagnons, et tous ceux qui sont alliés à lui. Et il dit, on a expliqué dans le cours passé, la parole au sujet des fondements, des trois fondements. Et qu'est-ce qui est obligatoire à l'homme de connaître, de façon générale et globale. Et également, on a même parlé dans des détails de façon résumée aussi. Maintenant, il dit, le cheikh ici, il nous pose une question et il répond par la suite à sa propre question. Et ça, c'est une méthode qui est employée par certains auteurs lorsqu'ils écrivent, et c'est-à-dire la méthode de la question-réponse. Et le but de ça, yani, c'est pour que la réponse soit plus facile à mémoriser et pour que les choses soient plus clarifiées. Tu poses une question, après tu réponds, les gens portent plus attention et ils mémorisent plus facilement les questions dans ce cas-là. En particulier les questions qui ont rapport avec la croyance, l'aqida. Et donc ici, il a posé la question et il a répondu de la façon suivante. Il a dit, فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَنْ رَبُّكَ. Si on te demande, qui est ton Seigneur? فَقُلْ رَبِّيَ اللَّهُ الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه. وقد مضى الكلام في الدرس الماضي على أن تربية الله لخلقه على نوعين، تربية عامة وتربية خاصة. Donc le cheikh explique que la question c'est, donc on l'a dit, qui est ton Seigneur, et la réponse, mon Seigneur c'est Allah, celui qui m'a créé, qui m'a donné ma subsistance, qui m'a nourri, qui m'a fait grandir, qui m'a fait croître, et ainsi de suite, et qui fait de même avec tous les mondes, toutes les créations. Et il me comble de ses grâces. Hein? Et on a parlé de ça dans le cours passé, et on a expliqué que la façon dont Allah subhanahu wa ta'ala s'occupe de sa création, c'est de deux façons. La façon qui est générale et la façon qui est particulière et spécifique. Et on a expliqué la différence entre les deux. Le Cheikh il dit أن التربية العامة تتناول وتشمل جميع المخلوقات في الأرض وفي السماء وما بينهما فتشمل البر والفاجر والمؤمن والكافر والمكلف وغير المكلف إلى غير ذلك من مخلوقات الله ما عرفنا منها وما لم نعرف. Donc le cheikh il dit que la façon, la tarbiya qui est générale, la façon dont Allah subhanahu wa ta'ala s'occupe de sa création de façon générale, c'est quelque chose qui comprend toutes les créatures qui sont sur terre. C'est comme même aussi la guidance, elle est divisée de deux façons aussi, la même chose, la guidance générale et la guidance particulière et spécifique. Hein? Les ulama ils disent hidayatul irshad et Hidayatul Tawfiq. Il distingue entre les deux. Hidayatul Irshad, Cheikh, les ulama, ils expliquent que ça là, c'est toutes les créatures qui ont cette Hidayah. Wahadaynahu Najdain. Que tu es capable de reconnaître qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais. Qu'est-ce qui est nuisible et qu'est-ce qui est bénéfique pour toi. Même les animaux, ils savent. S'il y a quelque chose qui va leur faire mal ou un tort, les animaux, ils le savent, ça. Ils vont s'en écarter. Et qu'est-ce qui est bon? Ils vont aller vers. Hein? Si une plante qui est empoisonnée, ou un fruit qui est empoisonné, l'animal ne va pas aller le manger. Mais l'être humain qui ne sait pas, il va venir, il va manger le fruit, il va tomber malade, ou bien il va mourir. Donc ça, c'est pour dire. Allah, il a guidé cette guidance générale, et même parmi les hommes, les êtres humains, ils savent. Qu'est-ce qui est bon, ils le font. Qu'est-ce qui est mauvais, ils restent loin. Ça, c'est la guidance générale. Et la guidance, yani, d'orientation. Même dans les affaires, par exemple, même dans des affaires que tu peux faire la da'wah à quelqu'un, tu lui montres l'islam, il peut entendre le message de l'islam. Donc, tu lui as fait la da'wah. Tu l'as orienté. Donc tu l'as guidé d'une certaine façon. Parce que tu lui as montré le chemin. Qu'est-ce que tu dis à quelqu'un lorsque quelqu'un te demande sur la rue par quelle façon pour arriver à tel endroit? Hein? C'est comme par exemple quelqu'un te dit comment on fait pour aller au marché Jean Talon à partir d'ici. Mais tu vas lui dire, tu passes par Papineau, puis tu tournes sur Jean Talon, tu continues jusqu'à ce que tu arrives à telle rue, et là après tu tournes à gauche. Donc là ça veut dire que tu l'as orienté, donc tu veux dire tu l'as guidé. Mais après, une fois qu'il est parti, lui, tu lui as donné les directions, mais lui il décide qu'il ne veut pas prendre ton chemin à toi. Il décide de prendre un autre chemin que celui que tu lui as donné. Et après il se perd. Donc, tu l'as guidé, tu l'as orienté, mais lui, il n'a pas suivi ton orientation, donc il s'est égaré par la suite. C'est exactement ça, la différence entre les deux. Hidayatul Irshad, c'est de montrer à quelqu'un le droit chemin, et Hidayatul Tawfiq, c'est d'avoir le succès dans la façon de suivre l'orientation qu'on t'a donnée, et d'accepter la guidance et la foi dans ton cœur. Ça, c'est seulement Allah qui peut le faire. Tandis que l'orientation, toute personne qui a la connaissance peut le faire. Donc, at-tarbiya al-amma, c'est la même chose. Ça touche toutes les créatures. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'occupe pas seulement des croyants sur la terre. Hein? Il nourrit pas, il a pas seulement créé des croyants, il a pas seulement nourri les croyants, il n'a pas seulement occupé des croyants ou des êtres humains. Il s'occupe de toutes les créatures. Il leur donne leur subsistance, il leur donne leur risque, il leur donne qu'est-ce qu'ils ont besoin. Chacune d'entre elles, même les animaux, même les bêtes, les petites bêtes, les plus petites que tu peux imaginer, Allah il s'en occupe. Que ce soit un croyant ou un mécréant, que ce soit une bonne personne ou une mauvaise, hein, Allah s'en occupe. Qu'elle soit responsable de ses actes ou non. Hein? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il s'occupe de toutes ses créatures de cette façon-là. Ça c'est at-tarbiya al-amma, ça c'est général. Hein? Mais il y a une autre forme de tarbiya qui est khassa, c'est-à-dire uniquement pour les croyants, uniquement pour les mu'minines. Et le cheikh il dit wa ni'am Allah azza wa jal 'ala al-'ibad kathira. Ni'am ad-din wa ni'am ad-dunya. وأجلها نعمة دين الإسلام الذي امتن الله تبارك وتعالى به على الأمة في آيات متعددة منها قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Donc le cheikh il dit que parmi les grâces d'Allah, hein, il dit les grâces d'Allah sont nombreuses pour les hommes. Et parmi elles, il y a les grâces qui sont des grâces reliées à la religion et d'autres grâces qui sont reliées à la dunya. Ok? Et celle qui a le plus de valeur et qui est plus importante parmi les grâces d'Allah, c'est la grâce d'avoir été guidé à la religion de l'islam. Hein? Ça, c'est la plus grande faveur, hein, que Allah a fait à cette ummah. Et il l'a mentionné dans plusieurs versets dans le Coran. Comme par exemple le verset 3 dans Sourate Al-Ma'ida, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne que il dit aujourd'hui, j'ai complété pour vous, j'ai parachevé pour vous ma religion et j'ai complété sur vous mon bienfait et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Donc la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle a été complétée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Et la grâce d'Allah, elle a été, hein, parachevée sur nous. Et il dit « وَتَتَجَلَّ نِعْمَةُ الْإِسْلَامِ فِي تَكَالِفِهِ وَالْأَوَامِرِ وَفِي النَّوَاهِ وَمَا فِيهَا مِنَ السُّهُولَةِ وَالْيُسْرِ وَمَا فِيهَا مِنْ رَفْعِ الْأَغْلَالِ وَالْآصَارِ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَقَدْ كَانَتْ عَلَى أمم مضت وبين الله هذه السهولة بقوله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج أي ما من حرج ينزل بالعبد في الأوامر إلا جعل الله في القرآن وفي هذا الشرع المطهر فرجا من تلك المشقة وهذا ظاهر وجلي في التكاليف. Donc le cheikh il explique maintenant que la grâce de l'islam, elle est manifeste dans les ordres, hein, dans les ordres et dans les interdictions de l'islam. Hein. Il y en a des fois que tu parles avec eux, et ça c'est surtout des soufis, ou bien des gens qui sont en train de jouer avec les sentiments des gens pour les dévier, qui disent « Ah, vous êtes toujours en train de parler de halal, haram, halal, haram. » Et tout est haram, haram, haram avec vous. Hein? Donc, il faut parler du cœur. Il faut parler de l'amour. Hein? Ça, c'est souvent des trucs comme les chrétiens ou les soufis qui parlent comme ça. Mais ils ont oublié une chose qui est très importante, c'est que le fait de connaître ce qui est halal et ce qui est haram, c'est une grâce d'Allah pour nous. Parce que si on ne savait pas qu'est-ce qui est halal et qu'est-ce qui est haram, on se ferait du tort à soi-même. Hein? On ne saurait même pas où est-ce qui est le bien et où est-ce qui est le mal pour nous. Hein? Et on aurait beaucoup de malheurs et beaucoup de problèmes. Donc, on a besoin de connaître le halal et on a besoin de connaître le haram. Et c'est pas pour comme si on disait ça aux gens, comme si dans le but de leur faire du tort ou de leur rendre les choses difficiles. Non, au contraire, c'est pour en fait les aider à justement savoir où se trouve le bien pour eux et où se trouve le bien pour qu'ils puissent le faire et où se trouve le mal pour qu'ils puissent s'en écarter. Hein? Et donc le halal et le haram, c'est comme dans tout appareil que tu achètes. Hein? Tu achètes un appareil ménager, n'importe quoi, un appareil électronique ou un instrument, n'importe quoi. Il y a toujours un mode d'emploi qui vient avec. Si tu ne sais pas comment l'utiliser, l'appareil, tu vas la briser. Tu ne pourras pas l'utiliser comme il faut. Eh bien, c'est la même chose avec la vie. Toi, tu es venu dans ce monde, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne t'a pas laissé comme ça. Hein? Il t'a donné un mode d'emploi. Ce mode d'emploi, c'est la révélation qu'il a fait transmettre par ses messagers. Et dans ce mode d'emploi-là, il y a tout ce qu'il faut pour te montrer comment être capable de vivre d'une bonne façon pour éviter de tomber dans ce qui est mauvais et pour être capable de faire ce qui est bon pour toi. Et qui va te faire en sorte que, tu vas par la suite mériter son paradis. Donc, tu as besoin de savoir le halal et le haram, et c'est pas pour être méchant avec les gens ou pour être dur avec les gens, au contraire, hein, comme certains qui le disent. Ils vont faire des discours devant les gens, puis ils disent, il y en a quand ils vous parlent, ils vous disent juste halal, haram, halal, haram. Et là, tu vois les gens qui rient, qui sont contents, qui applaudissent parce que eux, ils aiment ça qu'on va leur dire. On va pas vous parler de halal, haram. Vous pouvez faire ce que vous voulez. A'udhu billah. Celui qui parle comme ça, c'est un diable en réalité. Hein? Il essaie de faire paraître la personne qui clarifie le halal et le haram comme étant une personne qui veut du mal aux gens et que lui. Hein? Il est celui qui vient pour les sauver, qui veut du bien pour eux, et donc lui, il ne va pas parler de halal haram, il va parler de l'amour, il va parler du cœur, hein? Comme Tariq Ramadan. Une fois, il était sur un stage avec des instruments de musique et des musiciens, avant un spectacle, puis il commençait à dire, non, l'islam, c'est pas le halal et le haram, c'est l'amour, et ainsi de suite. C'est ça comme on joue, on manipule les sentiments. Et comme je vous avais raconté l'histoire quand j'étais converti, la même chose au début. Hein? Le soufi qui m'avait dit, quand tu rentres dans la mosquée, il y en a qui regardent comment tu places tes pieds, comment tu pries. Ah mon frère, t'as pas collé ton pied comme il faut avec l'autre. Et là, comme s'il dénigrait ça. Et il disait comme si, pourquoi tu parles de mes pieds là? Et pourquoi tu parles de ma façon, comment je me place dans la prière? L'important, c'est le cœur. Hein? L'important, le cœur, c'est important, c'est la base. Mais est-ce que tu vas dénigrer la façon dont tu dois prier et comment tu dois te placer dans la prière? Ça aussi, ça fait partie de la sunna. Et ça, c'est important aussi. Donc, pas jouer comme ça avec les choses. Donc, le cheikh explique ici un point important. Il dit que dans l'islam, il y a une grâce. Et cette grâce-là, elle se manifeste dans les ordres et dans les interdictions. Hein? Dans les ordres et dans les interdictions. Et dans ce qu'il y a, par exemple, dedans, de la facilité ou de la difficulté. C'est-à-dire, il n'y a pas de difficulté dans les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait sa religion pour qu'elle soit facile. Donc, elle est facile. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait toujours à ses compagnons, yassiru wa la tu'assiru. C'est-à-dire, faites les choses faciles, rendez les choses faciles, et ne les rendez pas difficiles. Hein? Et il disait, bashiru wa la tunaffiru. Hein? C'est-à-dire, annoncez aux gens la bonne nouvelle et ne les faites pas fuir. Hein? Et donc, ad-din yusr. La religion, c'est la facilité. Donc, le cheikh, il explique, il dit, la religion, elle est facile. Et tous les carcans et toutes les difficultés qui ont été présentes dans cette Oumma, elles ont été enlevées. Les juifs, avant nous, qui ont reçu la Torah, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le Coran que Allah subhanahu wa ta'ala leur a rendu les règles difficiles. Parce que ce sont eux-mêmes qui se les ont rendus difficiles pour eux-mêmes. Hein? Pourquoi? Parce que, à cause de leur péché. À cause de leur péché et de leur transgression. Et il y a l'exemple de, dans Surat al-Baqarah, quand Allah subhanahu wa ta'ala leur a demandé de sacrifier, d'égorger une vache. Et que eux, ils ont commencé à chercher, oui, mais c'est quelle sorte de vache? Et c'est quoi sa couleur? Et c'est quelle sorte, commencer à rentrer dans les détails. Pourquoi? Pour s'enfuir d'appliquer l'ordre d'Allah. Donc, à chaque fois qu'ils demandaient des détails, pour s'écarter ou s'éloigner de l'obéissance d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala leur mentionnait des conditions qui devenaient de plus en plus difficiles pour eux à appliquer. À la fin, au début, Allah leur a demandé juste de tuer une vache ou d'égorger une vache. Ils pourraient choisir n'importe laquelle. Mais quand ils ont fait cette façon-là avec Moussa alayhi salam pour lui demander mais quelle couleur, quelle sorte, hein, ainsi de suite, Allah subhanahu wa ta'ala à la fin leur a fait égorger la vache qu'il aimait le plus. Et ça a été le plus dur pour eux à la fin. Pourquoi? Parce que c'était la vache qu'ils voulaient pas égorger. Mais c'est pour dire que lorsque ces gens-là ont été trop dans la transgression par rapport aux ordres d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala les a punis en rendant la religion difficile pour eux. En fait, c'est eux-mêmes qui se sont rendus la religion difficile. C'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, dans l'islam, c'est pas le cas. Hein? Dans l'islam, la religion, c'est la religion de facilité. Et il dit, que dans l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a mentionné dans le Coran, ma ja'ala alaykum fi d-din min haraj. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a mis aucune difficulté pour vous, aucune gêne pour vous dans la religion. Et le cheikh, il explique qu'est-ce que ça signifie. Parce qu'il y a des gens qui ont mal compris la signification de la religion facile. Il y en a qui pensent que ils n'ont pas compris que la religion de l'islam, elle est en elle-même déjà facile. Donc eux, ils pensent que la religion est difficile, mais qu'il faut la rendre facile. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne que la religion, elle est déjà facile. Et elle a été facilitée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et la facilité de l'islam est dans la législation de l'islam. Donc on n'a pas à changer l'islam pour la rendre facile, ou enlever des obligations, ou rendre halal des choses qui sont haram. Hein? Permettre des choses interdites pour la rendre facile, non. Ça, c'est pas ce qu'on veut dire par faciliter l'islam. Le cheikh explique que il n'y a pas une difficulté dans la religion, excepté que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à son sujet dans le Coran quelque chose pour la rendre facile. Hein? Et ça, c'est pour faire comprendre que dans la législation purifiée d'Allah, chaque difficulté a une issue et a une délivrance. Et ça, c'est apparent dans la révélation. Il donne des exemples. فمثلا الصلاة التي هي أعظم العبادات بعد الشهادتين والقيام فيها ركن من أركانها والسجود على الأعضاء السبعة كذلك ولكن إذا جاءت المشقة وحالت بينك وبين القيام فإنك تصلي على أي حال وصلاتك صحيحة كما في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب فانتفى الحرج وهكذا في الحلف في الأيمان جاءت الكفارات وفي الظهار جاءت الكفارة وفي القتل الخطأ جاءت الكفارة وفي السفر الذي هو مظنة المشقة جاءت رخصة القصر ورخصة الفطر. Donc le cheikh explique, comme par exemple, il dit la salat, qui est la plus grande des formes d'adoration après les deux témoignages, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Il dit de te tenir debout dans ta salat, c'est un pilier parmi les piliers de la salat. C'est-à-dire que si tu pries pas debout, alors que tu es capable, ta prière elle est pas valable. La même chose que le sujoud, de se prosterner sur sept membres, c'est une condition, un pilier parmi les piliers de la salat. Mais si ça devient une difficulté dans ta religion pour toi, et que il y a quelque chose qui t'empêche, cette difficulté-là t'empêche de rester debout, dans ce cas-là, tu as le droit de prier dans n'importe quelle autre position dans laquelle tu es capable. Si tu es capable de prier assis, tu vas prier assis. Si tu es capable de prier, t'es pas capable de prier ni debout ni assis, tu as le droit de prier allongé sur le côté, hein, ou bien sur le dos, selon ce qui est possible pour toi. Ça fait partie des exemples de facilité de la charia. Et ça, c'est pas quelqu'un qui l'a inventé. Ça, c'est quelque chose qui est mentionné dans les textes même de l'islam, dans les preuves même textuelles de la charia. Hein? De même que, dans ce cas-là, donc, si t'es en difficulté, ta prière va être valable. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, selon Imran ibn al-Husayn, il a dit, prie debout. Et si tu n'es pas capable, alors assis. Et si tu n'es pas capable, alors sur ton côté, sur ton flanc. Hein? Donc le cheikh il dit, فَانْتَفَى الْحَرَجِ. Donc la difficulté est disparue, elle est partie maintenant, à cause de cet exemple de règle. Il dit la même chose pour quelqu'un qui fait un serment, ou qui jure, et qui n'est pas capable de respecter son serment. Eh bien, il y a une expiation qu'il peut faire. Hein? Il peut jeûner, hein? 3 jours, ou bien nourrir 10 pauvres, ou les vêtir, ou bien libérer un esclave. Hein? Ça, c'est des expiations qu'il peut faire pour sortir de son serment qu'il a brisé. La même chose pour l'exemple de Zihar, celui qui dit par exemple à propos de sa femme, hein, tu es comme le dos de ma mère pour moi. Ça, c'était une façon que les gens de la Jahiliya avant l'islam, quand un homme voulait divorcer sa femme, il disait, tu es pour moi comme le dos de ma mère, ou quelque chose comme ça. Et puis, à partir de ce moment-là, donc la femme devenait comme il le cite pour lui. Et dans l'islam, ça a été interdit. Et que si quelqu'un utilisait cette formulation-là pour dire ça à sa femme, qu'il doit faire une expiation. Hein? Le verset dans Surat Al-Mujadala, il explique les expiations que tu dois faire. C'est de jeûner 2 mois consécutifs, ou de libérer un esclave, ou bien... وصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينة. Donc de libérer un esclave, ou de nourrir 60 pauvres, ou de jeûner 2 mois consécutifs. Ça c'est un exemple. Et également dans le meurtre quand quelqu'un tue quelqu'un, mais par erreur, hein, il tue quelqu'un accidentellement, eh bien, il y a une expiation qu'il peut payer pour y aller dans des cas comme ça. Hein, il y a une expiation pour ce péché-là. La même chose pour le voyage. Quand quelqu'un part en voyage, il y a dans le voyage une difficulté. Et il a la permission, dans ce cas-là, de raccourcir ses prières. Quand c'est des prières de 4 rakats, il les fait en 2 rakats seulement. Et, en plus, il peut rassembler aussi 2 prières, Dhuhr et l'Asr, et le Maghrib et l'Isha, il les prie collées, une après l'autre, directement. Pas besoin d'attendre au temps de l'autre prière. Donc, si tu pars en voyage, tu es en voyage, des fois, tu bouges, tu circules, tu es occupé, hein, c'est difficile pour toi, c'est fatigant. Donc, Allah, il t'a facilité. Au lieu de faire 4 à 4, tu fais 2. Et donc, ça veut dire que l'Asr et Dhuhr et l'Asr et l'Isha, tu vas les faire 2 rakats seulement au lieu de 4. Et tu peux faire Dhuhr et l'Asr ensemble et Maghrib et Isha ensemble, et ça y est. Hein, donc ça c'est des facilités, ça fait partie de la charia. Ça montre la facilité de l'islam. Le cheikh il dit, donc il n'y a pas de difficulté dans la religion. Et aujourd'hui, les kuffars, yani, parmi les chrétiens, les juifs et les autres, ils pointent toujours les musulmans du doigt en disant, vous votre religion c'est une religion dure, c'est une religion difficile, hein, c'est pas facile l'islam. Et eux, ils disent ça par rapport à quoi? Par rapport à leur façon de vivre aujourd'hui. Hein? Parce que, pour dire la vérité, les catholiques, comment ils pratiquent leur religion maintenant, et les juifs, si tu recules 100 ans ou 200 ans en arrière, c'est pas la même religion catholique qui existait aujourd'hui. Parce que eux, la religion, ils la changent. À chaque 50 ans, quand les gens commencent à changer, eh bien, eux, ils changent pour adapter aux désirs des gens et aux passions des gens. Donc, aujourd'hui, tu regardes la religion catholique, si tu vois, une fois, je m'appelle, il y a un catholique qui dit, moi je suis un catholique, mais je suis pas, il dit, moi je suis catholique, mais je suis pas pratiquant. Et tu regardes, tu lui demandes, mais c'est quoi la différence entre un pratiquant catholique et un non-pratiquant? Et il te dit, ben, la différence, c'est qu'il va à l'église le dimanche. Donc, si tu dis, si c'est juste ça, être un pratiquant, aller à l'église un dimanche, ouais, c'est ça, donc, mais si c'est juste ça, pratiquer une religion, donc c'est pas grand chose, yani. Alors que, si tu demandes à des anciens, hein, ou des vieux, parmi des personnes âgées, là, qui connaissaient à l'époque comment ça se passait, la religion catholique, ou même avant ça, tu lis dans les livres, tu vois que la religion catholique à l'époque, c'était pas comme ça. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de, il y en a de règles, de plein d'autres trucs à respecter. Et c'était vraiment plus compliqué que qu'est-ce que c'est actuellement. Donc, c'est pour dire, la religion de l'islam, elle a jamais changé depuis 1400 ans. Hein? Depuis que Allah il l'a révélé sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a rien dans cette religion-là qui a changé. Et on n'a pas dû l'adapter à notre époque pour qu'elle soit plus facile. Elle était déjà facile en partant. Donc, on retrouve même sa facilité dans sa façon d'être appliquée et comment elle se pratique partout, hein, et à toutes les époques. Et non seulement ça, mais que si tu demandes à un musulman qu'est-ce que c'est d'être un musulman pratiquant, eh bien là, il peut t'expliquer, hein, beaucoup de choses. Hein, que c'est quelqu'un qui témoigne de la ilaha illallah, de Muhammad Rasulullah, qui fait les 5 prières par jour, qui fait le jeûne du Ramadan. Et ça, c'est le minimum. S'il fait les piliers, ça c'est les bases, le minimum. Parce que sinon, hein, on sait qu'il y a plein d'autres règles et plein d'autres applications. Souvent, il y a un problème aussi quand on traduit aux non-musulmans, on leur parle de la prière. On traduit salat par le mot prière. Et là, quand tu dis à un chrétien pratiquant, par exemple, tu dis, on prie 5 fois par jour. Et là, ils disent, quoi? Seulement 5 fois par jour? Pourquoi ils disent seulement 5 fois par jour? Parce que eux, ils prient tout le temps. Ils disent que nous, on prie tout le temps. Et qu'est-ce qu'ils appellent, eux, prière? C'est plus proche de qu'est-ce que nous, on appelle doua, en réalité. Mais pour nous, la prière qu'on appelle salat, c'est particulier. C'est une forme de prière. Mais cette prière, cette forme-là, elle est obligatoire 5 fois par jour minimum. On peut faire plus si on veut rajouter des nawafil. On peut rajouter des nawafil, hein, avant, après. Hein. Et non seulement ça, on a des adhkar, hein, des rappels qu'on fait après la prière et des dhikr qu'on fait en rentrant, en sortant, en rentrant, en sortant. Quand on rentre quelque part, quand on sort, quand on s'habille, quand on se déshabille, quand on se réveille, quand on se couche, quand on mange, quand on finit de manger, et ainsi de suite. Donc, dans tous les différents moments de la journée, il y a un rappel à faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a quelque chose à dire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il n'y a pas un instant que le musulman, il n'est pas en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc, quand tu dis, quand le chrétien, il te dit seulement 5 fois par jour, c'est pas beaucoup, tu lui dis, hein, ça c'est juste une forme de prière et ça c'est le minimum. On peut faire plus. Mais il y a des musulmans, malheureusement, Allah musta'an, à force de toujours être en contact avec des gens qui sont contre la religion, donc ils ont comme programmé leur esprit à toujours être sur la défensive par rapport à la religion, puis à toujours vouloir dire à des gens qui sont pas musulmans des choses qui vont les satisfaire dans leur écart, dans leur éloignement de la religion. Donc quand ils vont voir par exemple un chrétien ou quelqu'un qui est pas musulman, hein, et que la personne pose des questions sur l'islam, ils vont toujours lui parler comme si pour lui dire le moins possible, comme si qu'il faut faire le moins possible de la religion pour lui faire plaisir. Yani, ils vont pas lui parler des choses par rapport à faire augmenter sa, yani la foi, à faire augmenter sa pratique, à faire comprendre, à augmenter sa compréhension, par exemple, de l'islam, puis de l'amener à devenir plus fort dans sa religion. Et surtout ici, yani dans les pays non musulmans comme au Québec. Eh bien, qu'est-ce qu'on constate? C'est ça, c'est que on est toujours en train d'essayer de faire le minimum et le moins, malheureusement. Et le cheikh il dit, إذن ما من حرج يمكن أن يلحق الإنسان في عبادته إلا وجعل الله منه فرجا ومخرجا لينتفي ذلك الحرج وليتحقق قول الله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج. Donc, le cheikh, il dit, donc, il n'y a pas une difficulté, hein, ou quelque chose qui vient causer yani, une difficulté, yani, une haraj, comme on dit en arabe, c'est-à-dire une étroitesse, hein, dans ta face, dans le contraire de l'aisance et de la facilité, yani. Excepté que, Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné une porte, une issue et délivrance pour enlever cette difficulté-là. Hein? Comme dans le verset 78 dans Surat Al-Hajj. إذن فنعمة دين الإسلام تتجلى في التيسير والتسهيل في أوامره وفي الراحة في اجتناب نواهيه ومحارمه. لأن النفس تزكو بذلك إذا اجتنب المحارم وسلمت من الوقوع في المآثم زكت النفوس واستنارت القلوب ونشطت الجوارح وأضاءت الوجوه والعكس بالعكس متى تلطخ الإنسان بالمآثم واقترف السيئات على اختلاف أنواعها وضاع مع أهل البدع تغيرت الوجوه ومرضت القلوب ودنست النفوس. Donc le cheikh il dit que c'est la grâce de l'islam qui se manifeste dans la facilité, dans les ordres et dans le repos, dans le fait de s'écarter des interdictions. Quand tu t'écartes des interdictions, ton âme est en paix, ton âme est en repos. Mais quand tu rentres dans les péchés, dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est là que ton esprit se fatigue et ton corps se fatigue. Et tu ne te purifies pas ton âme. Hein? Et donc, tu t'écartes des péchés et des interdictions, tu purifies ton âme. Et tu l'empêches, hein, et tu t'épargnes de tomber dans les péchés. Quand tu t'écartes des péchés, ton âme se purifie. Et ton cœur s'illumine. Et ton corps devient plus vivant, hein, plus motivé, plus vivant, plus prêt à l'action. Et ton visage devient illuminé. Et le contraire est vrai aussi. Lorsque tu fais des péchés, tu te diriges vers les désobéissances et les péchés, dans toutes les différentes formes de péchés, et que tu te penches vers les... tu t'égares avec les gens de bid'a, ton visage change et ton cœur devient malade et ton âme devient sale. Hein? لأن المعصية ظلمة في القلوب وفي الصدور وفي الوجوه ووهن في الأبدان والطاعة نور وحياة ونشاط ظاهرا وباطنا فلا غرابة أن يكون دين الإسلام أعظم نعمة وأكبر منة أكرم الله بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il dit que le péché c'est comme des ténèbres, que ça forme des ténèbres dans le cœur et dans la poitrine et dans le visage, et c'est quelque chose qui affaiblit le corps également. Tandis que l'obéissance, c'est une lumière, une vie quelque chose qui te donne de la force, hein, de l'entrain, en apparence et intérieurement également. Et donc, c'est pas surprenant que la religion de l'islam soit la plus grande grâce et la plus grande faveur par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a fait honneur à la umma du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, je pense qu'on va s'arrêter ici, inshallah. Même s'il reste un petit passage, mais on va le garder pour la semaine prochaine, inshallah, si vous voulez, parce que on a déjà fait un cours assez long, donc pour pas trop prolonger. Et là, donc le cours prochain, inshallah, on va expliquer ça en détail, inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.